Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacré à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Dans le cours d'aujourd'hui, nous continuons l'étude du deuxième dialogue dans lequel Khalid fait la connaissance de Mohammed en lui posant un certain nombre de questions. Dans les répliques précédentes, Khalid avait donc appris que Mohammed était originaire de l'Inde et qu'il résidait dans le 8e dortoir de l'université. Dans la suite du dialogue, Khalid l'interroge à nouveau pour en savoir plus sur son lieu de résidence. Fi ayyi dawr? Fi dawr al-awwal. Commençons donc par nous intéresser à cette nouvelle question de Khalid qui est composée de trois termes. On trouve à son début la préposition fi que nous avons déjà rencontrée à plusieurs reprises et qui correspond en français aux prépositions « à », « dans » ou « en » lorsqu'elles sont employées pour indiquer la position. Elle est suivie du pronom interrogatif « ayyi » qu'on emploie pour parvenir à distinguer une personne ou une chose à partir d'un groupe ou d'un ensemble et qui correspond selon le contexte au pronom « quel » ou « lequel » en français, suivi du nom « daur » qui dans cette phrase signifie « étage » mais qui peut également avoir différentes significations en fonction du contexte. Traduite littéralement, la question de Khalid signifie donc « à quel étage ?» et correspond donc exactement à son équivalent en français. À partir de ce modèle, vous pouvez ensuite construire vos propres questions pour demander à votre interlocuteur d'apporter une précision permettant d'identifier des choses ou des personnes. « Fi ayyi madrasatin ?» Dans quelle école ? Fi ayyi shari'in? Dans quelle rue? Min ayyi qaryatin? De quel village? Du point de vue grammatical, notons ici que le pronom interrogatif ayyu présente certaines particularités. Premièrement, il est déclinable, contrairement à la plupart des autres pronoms interrogatifs comme ma et aina qui sont invariables. Par conséquent, lorsqu'il est précédé d'une préposition, il est obligatoirement décliné au cas indirect et sa terminaison est donc marquée par la voyelle kasra. Pour dire « à quel » ou « dans quel », on devra donc dire « fi ayyi ». Deuxièmement, le pronom interrogatif « ayyu » est toujours annexé au nom qui le suit. Le nom placé après lui et au sujet duquel on demande une précision occupe donc la fonction d'annexant « mudafun ilayhi » qui implique sa déclinaison au cas indirect et le marquage de sa terminaison par la voyelle kasra. Pour dire « à quel étage ?», on devra donc dire « fi ayyi daurin ?». Voilà pour aujourd'hui, ce 15e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. On se retrouve incha'Allah très prochainement avec le 16e mini-cours, dans lequel nous nous intéresserons à la réponse de Mohammed à cette nouvelle question de Khalid. والسلام عليكم.